Chapitre 18. Une escalade dans la nuit. À 9 heures du soir, Escander et Verdot quittèrent l'hôtel de Vierville, annonçant à l'hôtelier que leur intention était d'aller coucher à Grand Camp, mais qu'ils reviendraient le lendemain dans la matinée. Les routes étaient désertes, la nuit s'annonçait belle, un peu trop claire au gré d'Escander, mais Verdot lui assura que le vent, qui soufflait assez fort de l'ouest, ne tarderait pas à amener les nuages. Un peu après Anglesqueville, ils tournèrent brusquement à droite, filant, sans prononcer un mot, dans l'ombre des talus et des haies. Verdot buta plusieurs fois, Escander faillit sombrer dans un fossé, mais tous deux se tirèrent d'affaire. Déjà, ils approchaient du mur d'enceinte, quand Verdot posa brusquement sa main sur l'épaule d'Escander. Les deux hommes s'arrêtèrent, l'oreille tendue. Un bruit se faisait entendre très distinctement. Justement, à cet instant, des nuages s'amoncelèrent, comme l'avait prédit Verdot, et voilèrent la lune. Pendant 5 minutes, qui leur parurent l'éternité, ils restèrent là, immobiles, retenant leur souffle. Enfin, un rayon glissant entre deux nuages leur montra un paisible cheval qui, dans un pré, tournait mélancoliquement autour de son piquet. « Imbécile !» lui dit Verdot. Enfin, ils arrivèrent. Les deux hommes observèrent soigneusement le mur et choisirent un endroit que protégeait l'ombre projetée par un grand arbre. Escander, aidé par Verdot, atteignit rapidement le faîtage du mur sur lequel il se coucha. Alors il se pencha, tendit les deux mains à son compagnon, qui, non moins adroit et plus léger, le rejoignit sans encombre. Pour les découvrir, allongé contre le mur et enveloppé par l'obscurité, il eût fallu la sagacité d'un veilleur soupçonneux. « Et maintenant ?» demanda Verdot. « Maintenant, mon petit, je vais partir à la découverte et vous allez rester ici. La position est peu confortable, mais ce n'est qu'un moment à passer. Si nous sommes découverts l'un ou l'autre, il faut qu'il en reste un pour continuer la tâche entreprise. Il est absolument nécessaire que l'un de nous conserve sa liberté et ne fasse rien pour délivrer l'autre. C'est bien compris ?»« Oui. » »« Bon, je vais donc, comme je vous le disais, partir à la découverte. Si vous entendez le bruit d'une lutte, un cri, car je crierai si je suis pris, laissez-vous tomber et filez tout droit jusqu'à Saint-Laurent. Prenez la voiture et en route pour Paris. » Entendu. Alors Escander, se laissant glisser, tomba légèrement sur la terre meuble d'une plate-bande. Le temps avait brusquement changé. On sentait la tempête prochaine. De gros nuages noirs couraient dans le ciel. Escander, dissimulé dans l'ombre, attendit que la lune se dévoila. Grâce à ses rayons qu'elle projeta pendant à peine 1 minute, il put étudier les alentours. Il découvrit une sorte de sente qui conduisait à une porte, autant qu'il put en juger. Il décida qu'il rejoindrait ce sentier et qu'il le suivrait jusqu'au château. Quand de nouveau une profonde obscurité régna, il courut sur la pointe du pied jusqu'à l'habitation et se blottit, retenant sa respiration pour mieux percevoir les bruits. Tout était silencieux. Maintenant, qu'allait-il faire? Entreprendre de visiter les alentours? Il les jugea vite d'un intérêt secondaire. Essayer de pénétrer dans le château? Oui, mais comment? Un phénomène qu'il n'avait pas tout d'abord remarqué attira son attention. L'ombre dans laquelle il se trouvait était tantôt très dense, tantôt s'éclairait, et ses alternances se produisaient selon un rythme régulier. Il constata bientôt qu'elles étaient dues à un arbre qui, à 20 ou 30 pas sur sa droite, balançait son panache dans la nuit à 10 ou 12 mètres de haut. « Voilà, pensa le journaliste, un fameux observatoire du haut duquel je vais avoir un admirable coup d'œil d'ensemble. » Il profita encore du passage d'un nuage, courut à l'arbre, et, empoignant son fût des bras et des jambes, grimpa avec agilité jusqu'à la première touffe de feuillage assez épaisse pour le cacher. En effet, c'était un merveilleux observatoire, mais pas encore assez élevé au gré d'Escander. Il monta plus haut. « C'est parfait, dit-il, on est ici comme chez soi. Décidément, cette terrasse qui s'étend au-dessus du château est admirable. Mais à quoi diable peut-elle bien servir ?» Il fut brusquement interrompu dans ses réflexions par un fait inouï, à la réalité duquel il n'aurait pas cru s'il ne s'était passé sous ses yeux. Une partie de la terrasse cimentée qui couvrait tout l'ensemble du château venait de glisser doucement sur la droite après s'être abaissée de 20 à 30 centimètres, ouvrant ainsi une haie noire, trou carré plein d'ombre. Puis Escander perçut très distinctement cette sorte de soufflement que fait entendre en fonctionnant un ascenseur hydroélectrique, et bientôt aperçut une chose qu'il ne put distinguer très nettement. L'espace ouvert dans la terrasse n'était d'ailleurs pas de très grande dimension. Le journaliste se demandait encore s'il n'était pas le jouet d'une illusion, quand un ronronnement très doux se fit entendre. Escander était trop au courant des choses de l'aviation pour ne point reconnaître dans ce bruit celui d'une hélice brassant l'air. La lune, un instant dévoilée, lui montra une chose qu'il jugea métallique, en tout cas brillante, mais sa forme exacte lui échappa, tant le miroitement brouillait les formes. Au-dessus de cette chose presque immatérielle, une sorte de pâle tournait lentement. Une hélice ascensionnelle, pensa-t-il. Ce mouvement s'accentua, s'accéléra, au point de n'être plus perceptible. Le ronronnement devint plus fort, mais il ne devait pas être entendu à 20 ou 30 mètres de distance. Puis la chose s'envola presque verticalement et s'enfonça rapidement dans la noirceur du ciel. Alors, Escander vit l'espèce de large plaque qui avait glissé sur la droite se remettre en place exactement. Personne, désormais, n'aurait pu supposer que la terrasse était machinée comme le plancher d'une scène de théâtre, et qu'un appareil mystérieux d'aviation, remisé dans les sous-sols, pouvait brusquement apparaître. La joie que causa cette découverte au reporter fut immense. « Je les tiens, je les tiens » allait-il crier. Mais il se mordit les lèvres jusqu'au sang et resta une minute cramponné à son observatoire avant de reprendre son empire sur lui-même. Il se laissa glisser, fit rapidement le tour du château, découvrit une porte vitrée large et haute qui s'élevait au-dessus de 3 marches. Là seulement, avec ses arcs d'ogives, le château retrouvait son aspect moyenâgeux. Escander remarqua tout cela. Son œil, habitué à bien regarder, était un bon serviteur que son maître avait éduqué avec soin. Cette porte était bien tentante, mais le journaliste ne s'y attarda pas, estimant qu'elle était sans doute gardée, étant donné sa fragilité, par un ou plusieurs gardiens qui devaient veiller ou sommeiller dans le vestibule auquel elle donnait accès. Il évita même de passer devant elle et revint sur ses pas, entreprenant de faire tout le tour du bâtiment et de rechercher une autre issue. Il ne fut pas déçu dans ses espérances. Les ouvertures ne manquaient pas, mais tout était fermé soigneusement, ainsi qu'il s'y attendait. Il se remit en quête cette fois en dirigeant son examen vers le bas des murailles. Il avait découvert la possibilité de grimper sur la terrasse en s'aidant des saillies et des motifs architecturaux. Mais à quoi cela lui servirait-il? La terrasse, truquée et machinée, il n'en doutait pas, était, vue de dehors, unie comme la main, et les appareils qu'il actionnait devaient être manœuvrés de l'intérieur. Ce qu'il cherchait, c'était un soupirail. Il le trouva, pas trop large, pas très haut, mais il parvint cependant à s'y couler. D'un bref éclair de sa lampe de poche, il reconnut être tombé dans un sous-sol plein de caisses vides. Il en prit 2 et les dressa devant le soupirail qui venait de lui donner accès, afin de l'obturer. Certain alors de n'être point vu du dehors, il garda sa lampe allumée et inspecta l'endroit. En face de lui une porte, mais le chemin qui y conduisait était encombré. Il le désencombra pour se ménager, le cas échéant, une retraite facile, puis il alla à la porte. Elle était fermée par une serrure solide. Mais solide aussi était le couteau suisse aux multiples outils qu'Escander portait dans l'une de ses poches à revolver de son pantalon. Il en ouvrit le tournevis et dévissa la serrure. La porte fut ouverte. Un escalier s'offrait à lui. Il s'y aventura, la main sur la crosse de son revolver. Pas une minute, Escander ne se demanda comment il sortirait de l'aventure. Il savait qu'il avait affaire à des ennemis inexorables, pour lesquels la mort d'un homme n'était rien, mais il allait quand même d'un pas résolu, quoique précautionneux. « Baste, pensa-t-il, j'ai dans mon revolver des balles qui ne demandent qu'à faire dans le monde une entrée bruyante, si le bonheur voulait que l'une d'elles allât se nicher dans la poitrine de ce tocrat d'Azipal, cela avancerait notablement nos affaires. Je ne demande au Dieu du ciel que de me mettre face à face avec cet hindou. Le reste me regarde. Après, ils feront de moi ce qu'ils voudront. » Il me serait dur, cependant, de ne plus voir les jolis yeux de Germaine, ni d'entendre sa voix charmante. Oui, très dur. Mais je représente en l'espèce la justice divine et celle des hommes. Cela me donne une certaine confiance.